بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد من هذا الكتاب qui est maintenant le chapitre du kafan. Le kafan, c'est ce qu'on appelle l'insol funéraire. L'insol funéraire, celui dans lequel on embaume le mort, le défunt musulman. يقول في الحديث الخامس والخمسين بعد المئة 155e حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب يمانية بيض أو بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. Selon عائشة que le Nabi صلى الله عليه وسلم a été embaumé justement dans son linceul avec trois vêtements yéménites blanc uni, ne comportant ni de kamis ni de imama. L'imama, c'est le grand châle que l'on met sur la tête et que l'on peut porter en forme de turban. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الراوي عائشة rapporteur c'est عائشة موضوع الحديث بيان ما يكفن فيه الرجل. Ce hadith est pour montrer dans quoi doit-on justement embaumer l'homme comme la seule funéraire qu'on appelle kafan. يقول في الشرح الإجمالي تخبر عائشة عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدده ولونه ونوعه ثلاثة أثواب بيض يمانية لم يجعل فيها قميص ولا عمامة إنما أدرج فيها إدراجا. Donc Aïcha informe à propos du linceul funéraire du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de son nombre, de sa couleur et de son genre. Il s'agissait de trois vêtements blancs, yéménites, purs. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait ni de kamis ni de imama. Il a juste été entouré, embaumé dans ses linceuls directement. نعم هذا الذي ذكر المؤلف. يقول من فوائد الحديث أصلا موجود الحديث مشروعية التكفين للرجل بثلاث أثواب بيد بدون قميص ولا عمامة. Que l'homme, il est légiféré que l'homme soit embaumé dans trois vêtements. C'est-à-dire qu'on dit trois vêtements, c'est trois bouts de tissu, trois choses différentes, blanches, sans qu'il ne porte de camis ni de imama. ثانياً كرامة بني آدم على الله عز وجل. Ce qui prouve justement l'honneur que les fils d'Adam ont auprès d'Allah سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكر المؤلف من هذا الباب ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.